le chariot ne tarda pas à s'engager au milieu de gorges étroites et capricieusement contournées. Elles aboutissaient à une contrée charmante. Le regard ne savait où fixer son admiration. La petite troupe s'était arrêtée un instant. De longs tapis verts s'étendaient sous les groupes d'arbres. « Les bocages de la mort, » dit Paganel. En effet, un cimetière indigène était là. La conquête avait chassé l'Australien loin de la terre où reposait ses ancêtres et la colonisation allait bientôt livrer ses champs de la mort à la dent des troupeaux. La petite troupe traversa ensuite des régions aurifères sourdes autant de richesses que de malheurs.